Ce soir, mon sang est froid. Ce soir, je ne veux pas te voir. Je vais danser avec mon passé. Je vais tromper ton attente. Et c'est ta faute, pas ma faute. Et c'est ta faute, pas ma faute. Ce soir, nous nous voyons. Ce soir, ta langue coupe mon ciel. Et mes jambes comme deux avions. Je vais tromper ton excitation. Et c'est ta faute, pas ma faute. Et c'est ta faute, pas ma faute. Je veux juste me sentir moins seul dans cet amour qui est un pansement. Je veux piétiner ton cœur, voir comment ça se termine. Si nous sommes meilleurs à mentir ou à faire des erreurs. Tout ça va m'affiner. Car les mots ne se plient pas à ce que les corps font. Et toi, tu n'arrives jamais à ton. Et c'est ta faute, pas ma faute. Et c'est ta faute, pas ma faute. Inoubliable est notre vérité. Inoubliable même après une nuit de bonheur. Ils sont comme une saison qui n'existe pas. Ils sont toujours là, invisibles et lourds dans les yeux. Et c'est ni ta faute, ni ma faute. Et c'est ni ta faute, ni ma faute. Je veux juste me sentir moins seul dans cet amour qui est un pansement. Je veux piétiner ton cœur.